Mouté. Adolphe Mouté Baté. Yeti. O komi ko panzanga isango parsi parla. Boni o lingo baby seranga reputation. Na profil na yo na WhatsApp o tsa erongi na ngai. Ba publication yo so kaka ba foto na ngai. Bob Mouya ya Hero Mobile. Le parrain international Georges Libois. Kela o ya ki na vya ngai polisao. Depuis au côté na bolingo na ngai couple beba. Oye ba ki bien na sala ki na mwasi na ndako. O sali nyo so bo trouble foye na ngai. Estelle Wabali. Bolingo nyo su matata e sanga kate. Ko suana pe ko bune zali realite ya bolingo. Na nyo kuma mingi na bolingo poyo. Ko kanisa te yo ko butola ye bonga ya mwasi na ngai. Renaud Diego Chimanga. Le coeur de mama Ingrid. Le prince de Lula de ya bébé. Balo ba pete na mo sa peza sira sete. Oya ngana sheri to la taba pete na mo tema. O koko tate. Aye. Ula oyu ke bana yo. Fredi Mokonzi ya Irlanda. Adolphe Mute Bachila Mwina. Akosa kiyo na nyoso abala ye. Aliane Yanza. Deborah Ngongo. La muka na pongi po asa ya saime. Tete Boimbo se la klasi. Baliba za Baking. Severin Tota. Blaise et Dilou, Anderson et Likoto, panneau géant, Gignon Mondabi, États-Unis, Irène Palmarès, Bibi Kapinga, Mopiz na IRSS, Cynthia Kapachi, Rela Kepanayo et Mobalo Sakolo Kaza Okipe. Akosa kiona nyoso abalaye. Jenny Play na London. Soto kate la muka na mpongi poaza ya mraime. Junior Aziz Django. Emerite Mayalos. Derrick Mayalos. Lulu Lers Croquette. Kelvis Nkoyi. Jacques Ndala. Masala ki mobalia bato eba ki bien. Pape ki saki yona. DG Nicole Dibango, RTLC. Dispongo. Les bons ventriers. Maître Matoné Israël. César Pasioti Angoy Loboko et Nzambe. Ali Masupa, Bolette Mamadi. Commandant Ogilotula. En fait, maman, je comprends que je suis là. Hey papa, nana passi. Mobala botisinga sundo lingana mwana tane nazotelenga mana oye ba felo na salade. Ambo? C'est depuis quand ma kambo? Et où meli? Bon, je sais pas maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. Donc c'est que mobali diront fait asayi mobali no bena libala ou bien asaki mobali ka ntsala comme ça. Hey papa, na kichaso mobala mutazala susu. Oh, ambo? Donc mobali amutu azalate, donc cela veut dire quoi? Ça y est quand mobali moko boye, donc na kutane ni nanzela séduire ngana sepe na ye. Ani pe na bozwi na ye, na pofe na botana ye. Ah, eh, mais c'est pas possible. Donc, mon bali, au coup, t'es rabou et la balabala, et puis voilà. Bon, mes mani, et puis donc, à l'inus, comprendre ce même pas yo, et puis même pas y a moi. Non. Papa, n'a pas eu qui que soit disant à bala. Ah bon? Donc, à bala, siko, donc, cela veut dire quoi? Donc, siko, aux yeux, mais la décision. Le problème, n'a pas eu d'aller qu'à soudoling à la moine. N'a pas eu ça, nini. Ah, mais vraiment, franchement, c'est pas possible. Malong, n'zole le couvain, n'a pas eu de moi. Moukala koulombo, loa koufete kalanga, fete zaya a keto a quoi nao. Mbaka yakala na mona yakala vwete peto mulembo kuzodiko ndio vwete peto mulembo wokuela kala kena donki mbaka yakala diaku dio difeti kutoma vuvuandisa ngindu zaku zisala modia kipadre abaka ketwa kimama si donc voilà moi si soki na ko limbola ona lingala soki déjà est sur moni mobali oyo et ça là tu le pété comme ka kulinga yete parce que et ça bali déjà couple chabani record Patrick Zola, y'a Patricia Zola, Dodo Dikia, Switzerland, Zenith Ntomo, Tubingoye, Jadon Bodo, Didier Nzongo Mokonzi Angaba, Paolo de Souza y'a Blandine de Souza, Lilim Bayabo, Laetitia Bea, Linda Kenzo, Naomi la Perle Rare. Natacha Caprice, Bézi Sax, Rocky Da Silva, Clarisse Bomboko, Fils Nkelele, MC Smalto, Cédric Lutumba Nio, Fabrice Mbemba Alta Moda, Trésor Pemele, Général Dabira, Yamama Christine, Gauthier Mascotte, à London, Freddy Swana, Bato Swana Lorenzo,